C'est ça qu'est la vérité. Congo-Sida. Viens faire un tour au Congo, c'est super sympa. Y'a mieux que se faire un resto, on va voir les petits soldats. Après le taf, ils font la fête, c'est direction la forêt. Et on va 2-3 minettes sous le canon de leur pistolet. Elles sont une cinquantaine à se faire violer toutes les heures. Un petit métal qui crème, pas besoin qu'elle soit majeure. Nous les rebelles, on est là pour mettre l'ambiance. Chez nous y'a pas de problème, tant que tu suis la cadence. Congo, Sida, ils sont beaux, les soldats. Congo, Sida, ils sont beaux, les soldats. Congo, Sida, ils sont beaux, les soldats. Congo, Sida. Tu fantasmes sur les mecs en uniforme. T'as fait te péter la chenille tout en restant dans la norme. Ils passent à tour de rôle les uns après les autres. Ils gardent tout le temps la gaule sans mettre de capote. Elles sont une cinquantaine à se faire violer toutes les heures. Un petit bête à petite graine, pas besoin qu'elle soit majeure. Nous les rebelles, on est là pour mettre l'ambiance. Chez nous y'a pas de problème, tant que tu suis la cadence. Congo, Sida, tu sens bon, les soldats. Congo, Sida, tu sens bon, les soldats. Congo, Sida, tu sens bon, les soldats. Congo, Sida. Pour favoriser l'utilisation des préservatifs. Oui, parce que voilà, c'est quand même le sida de quoi on parlait. On parlait pas des femmes enfin des jeunes filles de 13 ans, vierges, qui étaient très appréciées des soldats congolais. Ben non, on n'est pas là pour parler de ça. Au revoir.